Archives du Kremlin, annexe, document 1, chapitre 4e, conférence de Helfo, Viktor Ilitch Leonov, extrait. Pour introduire sa conférence, Leonov présente un film relatant le débarquement en Normandie. Il diffuse ensuite au rétroprojecteur des images d'hommes accostant sur les plages du Calvados. Il commence à parler, tandis que derrière lui défilent les vues. À peine le débarquement de Normandie eut-il lieu, que la progression dans le pays des forces alliées, bien que chaotique au début, montra très vite que l'opération Overlord serait un succès complet signant la défaite du Reich. Contraint de se battre sur la terre ferme, et non plus sur mer ou par air contre les Anglais et les Américains, les responsables allemands comprirent rapidement que leur situation était vouée à l'échec. Eux, dont les victoires avaient toujours été rapides comme l'éclair, les blitzkrieg, ils n'étaient ni habitués ni prêts à ne mener qu'une guerre défensive. De plus, ils se retrouvaient désormais sur deux fronts à la fois. L'armée rouge avançait sans cesse toujours plus à l'est. Il était patent qu'il leur serait impossible de tenir le front. Malgré quelques contre-offensives et quelques succès isolés, il fut clair pour les officiers qui n'étaient pas dans l'immédiate cour du Führer que rien ne pourrait changer l'issue de la guerre. Pour l'Allemagne, la défaite était irrémédiable et proche. De hauts dignitaires nazis eurent une idée, ils conçurent un rêve fou, continuer à mettre en place les objectifs du Troisième Reich alors que celui-ci se mourait. Pour eux, l'Allemagne ne serait pas vaincue. Elle serait, grâce aux Américains et aux Russes, débarrassée d'Adolf Hitler, ce tyran sanguinaire et psychopathe et du noyau dur de criminels qui l'entouraient, Goebbels, Göring, Himmler. Ils pensaient que l'influence allemande, sa puissance économique et sa mainmise sur l'Europe, ne pouvaient pas finir, même avec la chute de Berlin et un drapeau rouge planté sur les ruines du Reichstag. Secrètement, cette poignée de hauts dignitaires se réunirent à l'hôtel Maison Rouge de Strasbourg le 10 août 1944. Y vinrent plusieurs dirigeants nazis et bon nombre d'industriels. Ces derniers étaient des représentants de Volkswagen, de Krupp, de Bayer et de Messerschmitt, les principaux concerns, les puissants conglomérats du pays. Autour d'officiers et des représentants du ministère de la Marine et de l'Armement, ils se mirent à préparer d'arrache-pied le futur. Un rapport fut rédigé à l'issue de cette réunion et transmis via la CIA au secrétaire d'État américain Cordell Hull. Leonov éteint le rétroprojecteur. Pour les Américains, ce plan était du pain béni. Depuis près de 10 ans, une valse à trois s'était engagée. Elle réunissait des ennemis, semblait-il, irréconciliables. Les capitalistes démocrates en Amérique, l'extrême droite rigide en Allemagne, le totalitarisme soviétique des sens anticapitalistes en Russie. Le jeu avait été, depuis le début avec le pacte germano-soviétique, d'être à deux enlacés au milieu de la piste de danse et d'expulser le troisième pour l'envoyer faire banquette. Après une courte valse entre Hitler et Staline, qui se termina sur l'air de l'opération Barbarossa en 1941, les Américains entreprirent avec les Russes une polka endiablée pour mettre fin à la barbarie nazie. Même les autorités de Washington ne voulaient absolument pas se retrouver serrées de près dans un tango avec leur ennemi communiste à l'issue de la guerre. La possibilité discrète d'utiliser les décombres encore fumants du Troisième Reich pour rebâtir l'Europe et établir un cordon sanitaire avec la tache rouge qui s'étendait sur le vieux continent retint très vite toute l'attention qu'il se devait outre-Atlantique. Les Français, plus que n'importe quel autre peuple, auraient dû savoir à quoi s'attendre. Avait-il oublié ce que George Washington, le père de l'indépendance, avait dit à son ami Lafayette ? Nous avons jeté une semence de liberté et d'union qui germera peu à peu dans toute la terre. Un jour, sur le modèle des États-Unis d'Amérique, se constitueront des États-Unis d'Europe. Les États-Unis seront les législateurs de toutes les nationalités. Le timonier ayant fixé le cap, tous ses successeurs s'évertuèrent à le garder. En 1845, au nom de la destinée manifeste de son pays, le président Polk s'autorisa à envahir le Texas, indépendant depuis 10 ans, ainsi que le tiers du Mexique au nord du Rio Grande. Theodore Roosevelt y apportera une méthode, parler doucement et porter un gros bâton. Comme ses prédécesseurs, il était intimement convaincu que la Providence voyait dans les Américains les nouveaux Hébreux au cœur d'une nouvelle alliance entre le ciel et les hommes. Pour lui, il ne faisait aucun doute que son pays était l'espoir du monde. Woodrow Wilson, quand il proposa sa Société des Nations, y percevait une souveraineté du droit universel, établie par un concert de peuples libres, qui apporte la paix et la sécurité de toutes les nations et libère enfin le monde. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt estima que l'heure était venue de passer de la théorie à la pratique. Son ambition ne fut rien moins que de concevoir et de dominer le nouvel ordre mondial né de la défaite de l'Axe. Kissinger vanta l'exceptionnalisme américain que Ronald Reagan drapa dans la destinée nationale d'être le phare de l'espérance de l'humanité tout entière. En somme, républicains et démocrates ont de tout temps représenté le côté pile et le côté face d'une même pièce sur la tranche de laquelle était inscrit « God bless America », que Dieu bénisse l'Amérique. Madeleine Albright, secrétaire d'État de Bill Clinton, dépeignait les USA comme la nation indispensable qui se tient haut et voit loin dans l'avenir, donnant un blanc-seing à George W. Bush et Barack Obama, sous l'administration desquels l'unilatéralisme du super-grand mit le feu au monde entier et morcela l'humanité pour la ramener à l'âge des ténèbres et de l'obscurantisme. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour les anglo-saxons, le formidable bond en avant du slavisme aux dépens du germanisme était donc bien un risque, mille fois plus à redouter que ce qui restait alors de l'appareil hitlérien. Renan, en 1871, avait formulé cet avertissement « Songez quel poids pèsera dans la balance du monde le jour où la Bohême, la Moravie, la Croatie, la Serbie, toutes les populations slaves de l'Empire ottoman, sûrement destinées à l'affranchissement, race héroïque encore, toutes militaires et qui n'ont besoin que d'être commandées, se regroupement autour de ce grand conglomérat moscovite qui englobe déjà, dans une gangue slave, tant d'éléments divers. » Cet avenir infernal était envisagé avec le plus grand sérieux par Churchill et Roosevelt. Y trouver rapidement une parade leur semblait aussi important, si ce n'est plus, que de finir la guerre elle-même. Dès le mois de février 1945, fort des informations obtenues par le club de l'hôtel Maison Rouge, dont l'objectif en 1944 était d'instaurer un quatrième Reich, les Américains se firent un malin plaisir à cocufier leurs partenaires russes dans le cadre d'une violation flagrante des accords de Yalta. Ce traité, conclu par les Churchill, Roosevelt et Staline, avait clairement délimité les zones d'influence et d'occupation de l'Allemagne vaincue. De plus, dans la section T2 du traité, ils avaient jeté les bases d'une collaboration loyale pour identifier et mettre la main sur les scientifiques et ingénieurs nazis ayant travaillé sur les programmes aéronautiques du Reich. Parmi les enjeux majeurs figurait l'usine allemande de fusées B2 de Dora Mittelbau. Elle devait être placée sous contrôle russe. Les services secrets américains décidèrent unilatéralement de faire main basse sur tout ce qui pouvait être récupéré dans le local. En septembre 1946, dit-il, convaincu que les scientifiques allemands nouvellement arrivés aideraient les Américains dans leurs efforts d'après-guerre, le président Truman fit venir dans le bureau ovale de la Maison-Blanche trois interlocuteurs. Samuel Klaus, un responsable du département d'État, Alan Dulles, le directeur de la CIA, Boskett Webb, le patron de l'agence d'espionnage spécialisée dans l'intelligence économique, la Joint Intelligence Objectives Agency, JIOA. La salle est plongée dans l'obscurité le temps de la projection d'un extrait de film. Dans le passage que j'ai retenu, un acteur inconnu tient le rôle du président Truman. Celui-ci, assis à son bureau, les coudes posés sur la table, joint ses mains en position de prière et les place devant sa bouche, juste sous son nez. Plan 1, plan semi-général du bureau présidentiel, un panoramique droit balaye le lieu jusqu'au groupe formé par Samuel Klaus, le président Truman et Boskett Webb. Plan 2, recadrage en plan américain du même groupe, Samuel Klaus de profil, le président Truman de face. Le président Truman, sur un ton sentencieux. Je suis prêt à vous donner l'autorisation de lancer votre projet Paperclip, mais je souhaite que soit exclue toute personne ayant été membre du parti nazi. Vous pouvez recycler les bons professionnels, mais pas ces pourris de nazis. Samuel Klaus agitant deux feuilles de papier sur lesquelles étaient couchés une centaine de noms. Après examen avec le ministère de la Justice, nous avons refusé tout un tas de dossiers de nazis convaincus. Nous envisageons de les livrer à Israël. Plan 3, Boskett Webb de face, Samuel Klaus de trois quarts face à gauche, le président Truman en amorce de dos à droite. Boskett Webb, saisissant une liste qu'il compulse nerveusement. Ce n'est pas possible, président. Il y a sur cette liste Von Braun, l'astrophysicien, Galen, le maître espion qui vient de mettre à notre disposition une dizaine de ses contacts au sein des plus hautes instances du pouvoir soviétique. Samuel Claus avec insistance. « Peut-être, mais leurs dossiers sont accablants. » Bosquet Veve fermement. « L'intérêt supérieur des États-Unis doit primer. Nous ne devons pas mettre toute notre énergie à finir à coups de pied la carcasse du cheval nazi à moitié mort. Laisser ces scientifiques en Allemagne ou dans la nature, ce serait prendre le risque insensé de les voir au service d'ennemis de l'Amérique. Le danger communiste représente une menace bien plus grande pour la sécurité de ce pays que les sympathies nazies qu'ont pu avoir des savants qui peuvent aujourd'hui contribuer à nous donner une avance technologique décisive. » Plan 4. Plan taille du président à proximité de Bosquet Veve, Samuel Claus de trois quarts, dos en amorce. Le président Truman, avec véhémence. « J'entends vos arguments, Veve, mais je ne veux pas de problème avec le lobby juif, les veuves de guerre ou je ne sais quelle association d'orphelins éplorés. » Bosquet Veve, rassurant. « Monsieur le président, nous avons le département G2 qui est spécialisé dans le nettoyage. Il fera son boulot si on lui confie la responsabilité du secret et la sécurité de l'opération Paperclip. » Ils réécriront les dossiers de ceux dont nous avons besoin. Ils surveilleront l'activité de toute personne pouvant représenter un risque pour le projet. Le président Truman, croisant les bras. Alors faites cela, Veve. Faites-le bien. Je vous préviens, je ne veux aucun boucher de ces foutus camps de la mort. Cela est non négociable. Après diffusion de la séquence, la lumière se rallume, Léonov reprend la parole. Dans les mois qui suivirent, le renseignement militaire épura dans les dossiers toutes les références au passé nazi des scientifiques de classe A, c'est-à-dire ceux qui étaient jugés indispensables. Ainsi blanchit-on von Braun, le scientifique allemand père des fusées V2. Il avait été interrogé quelques mois auparavant par la sécurité militaire. Il s'était vu signifier la conclusion suivante, le sujet perçu comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. En 1948, à l'occasion d'un changement de résidence, une nouvelle évaluation de sécurité concernant von Braun fut diligentée. Elle indiqua finalement, au bas du dossier, « Aucune information antérieure n'est disponible sur le sujet. La sécurité militaire estime que cet individu ne constitue pas une menace pour la sécurité des États-Unis. 130 de ses collègues furent soumis au même traitement visant à modifier les faits établis pour éliminer tout risque de classification de menace pour la sécurité de l'État. » L'opération Paperclip aboutit finalement à la naturalisation d'un premier groupe de plus de 50 scientifiques allemands le jeudi 11 novembre 1954 à Birmingham, en Alabama, jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale, tout un symbole. En 1955, ce furent 760 scientifiques allemands qui obtinrent la citoyenneté américaine. Forts de ce sésame, ils occupèrent les 10 années suivantes les plus éminents postes au sein des universités et de la communauté savante américaine. Beaucoup avaient été des membres actifs du parti nazi ou de la Gestapo. Beaucoup avaient mené des expériences sur des êtres humains dans des camps de concentration. Beaucoup avaient réduit leur proie à l'esclavage. Peu furent reconnus comme auteurs de crimes contre l'humanité. Sur ce constat s'achève l'exposé de Victor Ilitch Leonov.